Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de cette dernière édition en langue française de ce 24 mars et en voici les principales articulations. Le Burundi a demandé le report du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine car coïncidant avec le 23e anniversaire de la mort de l'ancien président Cyprien Ntaryamira. En début de ce journal, vous suivrez la ministre Léontine Nzeyimana, chargée de l'intégration du Burundi à cette communauté. Les secteurs de la justice et de la police de roulage sont les plus gangrenés par la corruption. Le constat est celui de la commission permanente à l'Assemblée nationale, chargée de la bonne gouvernance, comme l'a avancé ce vendredi lors de la présentation du rapport après une descente effectuée dans cette province du Burundi. L'Observatoire de l'action gouvernementale se dit préoccupé par la problématique liée à l'accès de la justice pour tous. Il y a encore manque d'avocats pour être aux côtés des justiciables. Dans ce journal, vous suivrez le vice-président de l'OAG. Plus de 7500 cas de tuberculeux ont été enregistrés au niveau national durant l'année 2016. L'annonce de la ministre de la Santé ce 24 mars, alors que le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par François Kimana à la présentation. Mireille Kanyangé, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine prévu en date du 6 avril de cette année a été reporté. Le ministre à la présidence chargé de l'intégration du Burundi à cette communauté précise que le Burundi a demandé ce report vu que cette date coïncide avec le 22e anniversaire de la mort de l'ancien président Cyprien Ntaryamira. Léontine Nzeyimana ne confirme ni n'infirme la participation du chef d'État burundais à ce sommet. Suivez-la. C'est vrai, le 6 avril était la date fixée pour le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Mais comme le 6 avril coïncide avec la commémoration de la mort du président Ntaryamira, le Burundi ne pourra pas participer à ce sommet. Donc nous avons signifié au secrétariat général de la communauté est-africaine de consulter d'autres pays membres de la communauté de pouvoir reporter le sommet à une date ultérieure. Nous attendons donc les nouvelles dates qui nous seront annoncées par le secrétariat général de la communauté est-africaine. À quelle date le Burundi avait prévu ce report de ce sommet de l'EAC? Franchement, nous, on a proposé que le sommet soit fixé un mois après, plus ou moins un mois. Et puis, les dates du sommet, c'est pas un pays qui fixe. Donc, il y a des consultations entre les pays membres. Donc, maintenant, les consultations sont en cours. Nous attendons la signification des dates précises par le secrétariat général de la communauté est-africaine après consultation auprès des autres pays membres de la communauté est-africaine. C'est un sommet des chefs d'État. Est-ce que notre président burundais y participera? Le président peut participer ou ne pas participer. Il est encore tôt. Attendons et voir. Léontine Nzeyimana, c'est la ministre chargée de l'intégration du Burundi à la communauté est-africaine. Il y a un petit rectificatif, ce n'est pas le 22e anniversaire de la mort de l'ancien président Cyprien Ntaryamira, c'est plutôt le 23e anniversaire. En page justice, les juridictions régionales ou internationales interviennent s'il survient un élément d'extranéité. Ah, ce sont les propos d'Aimé Laurentine Kanyana, ministre de la Justice. C'était ce vendredi au terme d'un atelier de formation de 5 jours organisé à l'endroit des différents intervenants en matière de justice au Burundi. Les certifiés seront des ambassadeurs du Burundi dans la Cour de l'Afrique de l'Est, espère la ministre Aimé Laurentine Kanyana, que je vous prie d'écouter. Quand ils iront représenter le pays dans les institutions de l'East African Community, quand ils auront à plaider devant la cour de la communauté est-africaine, nous attendons d'être de bons ambassadeurs du Burundi quand ils auront à prester dans les institutions de l'East African Community. Et quelle est la procédure pour accéder à cette cour est-africaine? Faudra-t-il épuiser toutes les juridictions au Burundi? Effectivement, la matière judiciaire, c'est une matière de souveraineté d'un pays. L'intervention des juridictions internationales ou régionales, c'est quand il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire un élément qui relève de l'international ou du régional. Ça ne veut pas dire que si un Burundais a un conflit avec un autre ou a commis une infraction au Burundi, il peut ne pas répondre devant les juridictions burundaises et penser qu'il va seulement plaider devant les juridictions internationales ou régionales. C'est seulement quand il y a un élément international qui intervient dans un procès, dans une affaire. Isanganiro. Poursuivons ce journal. 10 millions en page santé, 10 millions de cas de tuberculose au niveau mondial ont été enregistrés au cours de l'année 2015. Cela a été dit par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans les activités de célébration de la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. Au niveau national, cette activité s'est déroulée dans la commune Kabezisa en province Bujumbura. Un accent particulier a été mis sur les personnes, les plus vulnérables, parmi lesquelles les migrants. Je vous propose de suivre le représentant de l'OMS au Burundi. On a enregistré au niveau du monde pour l'année 2015 10 millions de cas de tuberculose et où un tiers des cas étaient aussi co-infectés par le VIH. En 2014, les pays de la région africaine ont convenu en fait de réduire de 75% la mortalité liée à la tuberculose et de 50% le nombre de nouvelles infections pour la tuberculose d'ici 2025. Et en vue d'atteindre ces nouvelles cibles, les pays et les partenaires doivent intensifier les efforts pour toucher, traiter chaque patient tuberculeux. Un accent particulier doit être mis sur les personnes les plus démunies, les personnes les plus vulnérables qui sont atteintes de la tuberculose de façon disproportionnée. Ces groupes de population les plus vulnérables comprennent les migrants, pour notre pays, les déplacés et les réfugiés, les minorités ethniques, les personnes qui travaillent dans les mines et les personnes qui vivent dans des conditions défavorisées. Là, vous venez de suivre le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans cette activité qui s'est déroulée en commune Kabezi de la province Bujumbura. Parlant toujours de la santé, il y a augmentation de 20% de la tuberculose en province sanitaire d'Ngozi en 2016 par rapport à l'an 2015. Selon le chargé du programme de lutte contre la tuberculose dans cette province, les milieux à forte concentration humaine comme sont les prisons, dont les prisons sont les plus vulnérables, d'où beaucoup de séances de sensibilisation en vue d'y faire face. Et en province Karoussi, 168 personnes sont sous traitement de tuberculose et 115 souffrent de la tuberculose contagieuse, selon le médecin de cette province sanitaire. En page politique, gouvernance de ce journal, les secteurs de la justice et de la police sont les premiers parmi les plus gangrenés par la corruption. Cela a été dit lors de la présentation ce vendredi du rapport par la commission permanente chargée de la bonne gouvernance à l'Assemblée nationale. Après sa descente à l'intérieur du pays, les députés proposent la révision des lois portant répression de ce fléau. Les ministres chargés de la bonne gouvernance et celui des finances ont répondu que la révision de ces lois est en cours de préparation. Alain Désiré Boukénez. Après la descente effectuée par la commission permanente chargée de la bonne gouvernance au sein de l'Assemblée nationale dans cette province du pays, la commission fait savoir que d'après les entretiens avec les autorités des différents services ainsi que la population, la corruption fait parler d'elle dans les secteurs de la justice et de la police. Les ministres ayant dans leurs attributions la bonne gouvernance et les finances qui répondaient aux questions des députés ne nient pas l'existence de ce fléau. Ils affirment cependant qu'il ne sert certaines évolutions n'est pas à négliger. Le ministre chargé de la bonne gouvernance illustre les sanctions économiques de la part des partenaires du pays qui n'ont pas eu d'effet énorme puisque pour lui, la corruption a sensiblement diminué. Le député Kenesio Sindaima Anisha s'interroge à ce sujet si les gens ne seraient censés de croire que ce fléau n'existait pas alors que les gens n'ont pas de moyens pour corrompre. Le ministre Ndayiragije dit qu'au niveau de la police, des sanctions ne cessent d'être infligées et qu'il le parle souvent avec le ministre de la Sécurité publique. En ce qui est du secteur de la justice, la commission fait savoir que la corruption gangrène certains officiers de la police et judiciaire ainsi que certains tribunaux qui exigent des frais pour la descente sur les lieux. Le ministre Ndayiragije répond que les services habilités continueront à décourager cette mauvaise habitude. En ce qui concerne les lacunes véhiculées